L'emprunteur. Je voudrais, dans l'amour que je leur porte, guérir tous les enfants du désir d'emprunter. Cette manie de s'approprier pour un temps le bien d'autrui s'étend quelquefois sur la vie entière et la remplit de troubles, d'embarras et de honte. Henri du moins en est corrigé, et j'en suis très contente pour Henri. Tout ce qu'il voyait aux autres le tentait, ce pauvre Henri. Il s'en faisait bientôt un besoin réel, et ne pouvant acheter les objets de son ardente fantaisie, n'osant dire franchement « donne-le-moi », ce qui eût été, du moins, plus loyal. Il prenait un détour pour s'initier dans la possession du bien des autres, et disait « veux-tu me le prêter ?» On le lui prêtait, mais il en résultait bien des désagréments, car Henri ne rendait pas vite. Il était oublié d'une part, de l'autre peu soigneux. Et lorsqu'après bien des réclamations, des reproches qui altèrent l'amitié des enfants comme des hommes, il restituait enfin ce dont il avait usé en vrai propriétaire dissipateur. Ce qu'il rendait était affreux, souillé, taché, en lambeaux. Cette conduite lui fondait une réputation détestable. Un jour, il entendit dire de lui « Ne lui prête que ce que tu veux perdre. » « C'est ce que je fais, » répondit un autre enfant fort sage. « Je ne prête jamais sans réflexion. Et ce que je prête alors, je dis en moi-même, je le donne pour toujours. » J'évite ainsi l'impatience d'attendre et le chagrin de me brouiller, car l'emprunteur se fâche souvent de ce qu'il appelle votre importunité, et se sauve avec cette excuse un peu aigre, on te le rendra. Henri fit la moitié d'un retour sur lui-même, mais sa conscience resta en chemin et se rendormit sur cette mortification. On ne me l'a pas dit en face, pensa-t-il avec la mauvaise foi de la paresse, qui emprunte aussi de mauvaises raisons à l'orgueil. Il oublia donc qu'il retenait depuis un mois le sabre en fer blanc et le bonnet de hussard d'Alphonse, avec lesquels il avait tant fait la guerre, dans sa chambre et dans les rues, que le bonnet ne ressemblait plus qu'à une vieille boîte à poudre, et que le sabre n'eût pas coupé un fil, tant il était tordu, rouillé, méprisable. Une compagnie nombreuse était réunie à dîner chez la mère de Henri. Paisible comme l'innocence, il mangeait bien, riait de voir rire ceux qui n'avaient aucun reproche à se faire, et se croyait à 100 lieues d'un affront. Tout à coup on sonne, on parle dans le vestibule, tout bas d'abord, puis tout haut et vivement. « Qu'est-ce donc ? » dit la mère de Henri. « C'est monsieur Henri qu'on demande, madame. »« Faites entrer, comment donc ? Henri n'a pas de secret pour nous. » Et la gouvernante d'Alphonse est introduite. Henri crut que la table et sa chaise et lui s'enfonçaient dans la terre. Ses yeux hagards s'attachèrent sur cette femme, et il eut alors donné de son sang pour n'avoir jamais emprunté rien dans sa vie. Vœu tardif et poignant. « Que voulez-vous, ma bonne ? » dit poliment la mère de Henri, pensant peut-être qu'on venait inviter son fils à quelque réunion d'ombre chinoise, dont il s'occupait avec talent. « Madame, répondit avec respect et fermeté la gouvernante, je viens chercher le sabre et le bonnet de hussard de mon jeune maître. Monsieur Henri l'a emprunté depuis un mois. Il est impossible de se le faire rendre. J'ai pensé que madame voudrait bien l'ordonner à son fils. » Tous les convives le regardèrent entre eux avec un étonnement qui serra le cœur de la tendre mère. Quel coup pour elle, je vous le demande. Quelle tristesse de voir le front rouge et brûlant de Henri près d'éclater sous les regrets de feu qui couraient dans sa tête. Oh, que sa mère était à plaindre! Elle le contempla dans sa honte qui faisait la sienne. Je ne peux pas vous dire avec quel mélange d'amour et d'amertume et de reproches silencieux. Jugez-en quand vous saurez que tous les convives en eurent les larmes aux yeux et cessèrent de manger. Cependant, elle, courageuse, ordonna d'une voix calme à son fils d'aller chercher les objets réclamés, ne prévoyant que trop la nouvelle humiliation qui l'attendait. Henri, la tête penchée sur l'estomac, traversa en chancelant la foule des témoins et revint chargé de l'emprunt, où personne ne reconnut un sabre ni un bonnet de hussard. C'était laid, c'était humiliant pour la mère. Elle les prit des mains de son coupable enfant et lui dit avec une tendre sévérité « Vous vous êtes trompé, Henri. Ceci n'est pas ce qu'on réclame. » Et elle jeta cette horreur dans un grand feu. Puis, ouvrant une armoire où elle aimait à renfermer les douces surprises de Henri, elle en retira le plus beau shako de hussard qu'on ait jamais vu au monde, un sabre superbe, non en fer blanc, mais d'acier bien trempé, élégamment soutenu par un ceinturon de maroquin rouge brodé d'or, enrichi d'agrafes à tête de lion doré. « Voilà, dit-elle, ce que j'avais destiné aux étrennes de Henri, connaissant tout son penchant pour les parures militaires. » Dit à son ami Alphonse avec quel plaisir et quel empressement il le lui renvoie. heureux de restituer ce qu'il a si indignement détruit. Henri n'emprunta plus rien. Sa mère lui fit comprendre que l'emprunteur de profession n'est qu'un voleur prudent.